But now we come to a period that I call the battle for identity. Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. Bienvenue, le retour de Radio Shtoub. Nous sommes de retour après Halloween. Nul cette transition, c'est pas grave. JP Larki. Un mauvais tour. Voilà, JP. JP Larki coupera au montage. Sans transition, équipe de qualité. Le marché des transferts automnal a fonctionné à plein gaz. Je présente sans tarder Stroutim. Au sixième d'un ancien asile, sinistré et pas chauffé. Ambiance couverture mitée, sur ma tarte rouge déchiquetée. C'est meilleur assez longtemps. Ça va très bien. Retour un peu, ça fait quelques temps que tu n'as pas eu le temps, tu as une actualité très chargée, ouais, on en parlera pas. J'ai fait un petit passage à Guantanamo aussi. J'étais je suis entré à peu près en même temps que Sarkozy, j'étais libéré à peu près en même temps. Et, je lisais le compte de Monte Cristo aussi. Donc, excellente lecture, saine lecture. Par contre, j'ai mangé autre chose que le yaourt. Voilà. Et tu restes présumé innocent quand même. Je reste présumé innocent. En attendant ton procès, on appelle. C'est ça, exactement. Alors, il est tout sauf innocent, c'est Calcio. Toi, tu es toujours là, et toujours là avec une petite surprise. Un quiz. Un quiz. Hop. Genre, quel joueur de foot joue dans le Comte de Monte Cristo? Voilà, genre. Un Survivor. Un quiz Survivor, comme on les aime. Alors, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Kittel. Le stress est la fête quand on tous vos sens copains. Ça faisait longtemps, voilà. Quoi, que j'ai échappé au ban parce que j'ai négocié avec le modérateur qui était moi-même, apparemment. J'en suis sorti. S'en sorti, bien joué. Il négocie souvent avec lui-même, Roulia. Vos mises sur forum, morceaux téléchargés, des actes insidieux, mais qui ont tout changé. Vive la polémique, à mort la nouveauté. Pas de groupe enregistre et peuvent pas se rembourser. Les labels arrêtent, fin de créativité. La salle des niaiseries, parce qu'on aime rigoler. La culture est morte et vive l'instantané. Comme Charles 69, je veux hurler. Bientôt sur réflexion avec moi-même et bonjour tout le monde. Voilà. Là je mange un Plascoff, je vous conseille, hein. Plascoff à l'ail des ours. Exactement. Et alors en parlant d'ail des ours, de Plascoff et de Haut-Karabagh, JP Larki qui est allé placer l'argent de la famille. De la famille et de Radio Shtoub. De la MIFA. Parce que genre comme le wagon soupe, nous on a des lingots d'or qui servent à acheter le nouveau studio. Et Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas eu de participation l'année dernière. Voilà. Alors, mais on a tout fait fondre. Cette sombre histoire de compte. voilà. Et les lingots sont en sécurité au Karabagh pour financer le nouveau stadio. Le nouveau studio. Le nouveau studio, surtout, ouais. Et voilà, et comme je l'ai marqué, donc le studio avec l'émission d'aujourd'hui, mais le pognon de demain. Ah, voilà. Ouais. C'est pas mal. Mais on est dans le studio de qui, là? De votre. Pour l'instant, on est dans le studio de notre MC préféré, avec le pognon d'avant. Monsieur Giga! D'être de retour après effectivement un mois de pause au mois d'octobre. Alors on va tout de suite commencer parce que nous. Mais un mois, ça fait 30 jours, c'est toujours moins que Samuel Smith à Strasbourg. C'était 34 jours. Tu fais des rimes, hein, dans ouais. Ouais. Écoute, ah, passage. Samuel Smith a été libéré, enfin, genre grâce présidentielle. Rançon. Donc non, il y a une question de Mammouth, je crois. Voilà. Écoute, alors j'ai pas noté hyper bien les questions, j'ai juste marqué Mammouth, donc je t'oublie Mammouth. Pourquoi si peu d'émissions? Est-ce que ça vous fait chier de parler foot, etc., etc. La réponse est oui. Oui. La réponse était déjà oui. Ça s'était vu à la dernière émission. Il y a un mec qui parlait de foot. Paix à son âme. Hein. On l'a pas réinvité. Non, c'est pas vrai. On le réinvitera. Surtout qu'il a oublié. Sa glacière ici, mais il viendra une prochaine fois. Non, il y a une actualité hyper chargée pour les fans du Racing parce que avec les matchs de Coupe d'Europe, les matchs qui sont placés le mercredi soir, on sait pas trop pourquoi, plus les ouvertures de pubs, plus plein de les réunions, plus etc. Bah, genre quasiment pas le temps de planning démentiel, planning démentiel. Genre pire que le Racing. Ça fait quand même longtemps qu'on a plus joué les jeudis soirs, les dimanches soirs, les dimanches après-midi. Bon, la journée en semaine, le mercredi, ça, tous les ans, on est habitué, mais... Ah bah, ça fait 20 ans qu'on n'avait pas joué la vraie Coupe d'Europe, parce qu'avant, c'était la fausse. Ouais, hein, non, maintenant, c'est la fausse, mais c'est devenu la vraie. Voilà, la fausse, c'est... la Coupe d'Europe d'hier, la vraie, la fausse Coupe d'Europe d'hier est devenue la vraie fausse Coupe d'Europe d'aujourd'hui. La Coupe des villes de foire d'hier, avec les pays de l'Est d'aujourd'hui. Avec l'ambiance du stade de demain... Les stades vides à l'extérieur d'hier. Voilà, d'hier. Mais donc, du coup, on est, voilà, forcément, en plus, des reportages... Julian à Bratislava qui était en direct pour ses fans, ses follow. Voilà, JP Darky toujours en direct du Haut-Karabagh, ben, toujours pas de match mais ça peut arriver. Hein, il est prêt au cas où. Et, il est pas là ce soir parce qu'il est à Azerbaïdjan-France, on est d'accord. Ah oui, bah, de quel côté? Avec les Haut-Karabagh. Je vous laisserai. Hein. C'est Azerbaïdjan-France ce soir? Je crois. Non, c'est Ukraine. Ah, c'est Ukraine. Ukraine. C'est bientôt Azerbaïdjan. Il doit être en Crimée aussi. Oui. Donc voilà. Sur le pont. À l'arrière des divisions de Van Manstein. Donc une. mais il sait pas encore dans quel camp il va. Donc voilà. Avec ce bol. Avec ce bol. Qu'on voit plus beaucoup sur le terrain. Ouais, c'est vrai, je suis un peu déçu. Il entre même plus. Donc voilà, Mammouth, toujours lui, qui a posé beaucoup de questions, enfin même, c'est pas des questions, c'est des informations, disait, oui, bah, forcément, il y a une défaite hein, face à Rennes, Habib-Bey. Le Rennes de Habib Bey. Une grosse défaite. Hein, le Melonico, comme on l'appelle, hein, on n'en reviendra pas dessus. Il dit, voilà, ça doit rendre l'équipe de Radio Stubb guillorette, pas du tout. Nous, une seule défaite comme ça, tout seul, c'est comme si on mangeait un seul saucisson pendant l'émission, ça nous laisse sur notre faim. Ouais, c'est comme un album du chat à Noël, tu vois, c'est le geste, mais t'attendais plus. On attendait plus. Avec Habib-Bey, il était sur le banc lors du fameux France-Sénégal en 2022. Ah, il était sur le banc? Bah, il était dans le groupe du Sénégal, mais il n'a pas joué. Ouais. Il était sur le terrain? Sur le terrain, il y avait Vira. Sur le terrain, il y avait Henri. Et sur le banc, il y avait Makelele. Donc, il y a quand même une belle ribambelle d'entraîneurs en carton qui était participé à ce match de près. Bah, j'ai envie de dire qu'on aurait même les Borges. Roger Lemaire et Bruno Metsu qui jouaient le maintien à chaque fois qu'ils ont joué le championnat de France. Et c'était un match d'ouverture de Coupe du Monde. Ouverture de Coupe du Monde, et depuis, il n'y en a pas eu de nouveau de France-Sénégal. Ce qui est génial, c'est que dans tout ça, je pense que c'est quand même Abdoul Paye le meilleur entraîneur. Bien aidé par Le Pol qui quand même sur cette année civile hein, nous a mis 7 buts hein, je crois. Oui c'est ça. C'est une statistique de dingue parce que en 3 ou 4 matchs. 3 matchs ouais. En plus il a joué en Alsace. Hein, Baldenheim. Baldenheim. Salut à tort parce que c'est le seul qui connaît qui peut situer Baldenheim. Mais faut bien l'avouer. Donc, c'est vrai que la comment dire, la génération Le Pol, la dynastie Le Pol s'est implantée. Allez, Toby, tout à fait, mais bien sûr, taisez-vous les hippies, là. Voilà, complètement vrai. En parlant de choses réjouissantes, il y a par contre un truc qui nous a aussi aidé à faire cette émission, c'est l'exclusion de Liam Rosenior face à Lille. Et donc ouais. Il verra son prochain, et il continuera de voir le match depuis la nouvelle tribune sud. La nouvelle tribune sud. Ouais, ce sera à Lens, non? Ah, ce sera. Mais il va prendre plus qu'un match, non? Oui, il a pris un match. Il n'a pris qu'un match. Mais après, il rate le frère Rico, qui est pas. Enfin, c'est plus qu'un match. Il n'est pas encore récidiviste. Attendons le prochain dérapage, parce qu'il m'a l'air nerveux, le garçon. Il craint pour son poste ou comment? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est si énervé comme ça? Par rapport à l'année dernière, ouais, il était plus coulos, mais là. Ouais, alors qu'en fait. Pour des broutilles, ouais. Je sais pas, je le sens nerveux. Il y a quelque chose. Il y a tout ce qui va pas. En tout cas, il pète régulièrement un câble. Il y a les appels. Mais je pense que c'est passé. Il est éloigné de sa famille. Tu vois, il est tout seul à Strasbourg, esselé, ouais, ça fait dans un pays francophone. Ils ont quoi là, ça va pas. Moi, je fais vraiment un parallèle. Moi, ce mec me fait quand même beaucoup penser à Furlan. Ah ouais. Furlan, c'était pareil. C'était un discours médiatique très adapté à son auditoire. Les gens adoraient cette espèce d'intellectuel du foot et tout, etc. Mais de temps en temps, il y avait quand même aussi un bon petit dérapage à la con. Oui, là, on n'a pas encore eu d'ADN ou de. Ouais, c'est pas allé. Alors, on est d'accord, Furlan, c'était des crottes beaucoup plus consistantes et plus espacées. La Yam se tient, quoi. Alors que Rosenior, il y a quand même plein de micro-pétages de plomb qui font dire qu'effectivement, le mec, finalement, tu vois, il habille ça tout un... Il y a une vidéo célèbre des proches qui se foutent de la gueule de Bernard-Henri Lévy quand il s'était fait entarté par le gloupier, tu vois. Et tu sais, t'as BHL, le pseudo-philosophe et tout, machin, etc., qui est... le type qui lui a mis la tarte à la crème dans la gueule et à terre, en fait, parce qu'il a glissé au moment de lui tarter la gueule. Et t'as BHL qui est là, « Ah, vas-y, lève-toi, je vais te péter la gueule !» et tout. Et en fait, des proches se foutent la gueule de BHL en disant, genre, le philosophe de mes deux qui termine juste comme un gars au lendemain en mode « Péter la gueule !» Et je pense qu'il y a de ça chez notre ami Rosenior. C'est-à-dire qu'il aime bien... Le BHL du football anglais, quoi. Il aime bien en faire des caisses, mais bon, au final, ça reste un fouteux, tu vois. Parce qu'en fait, en vrai... Qu'un entraîneur se prenne la tête avec l'arbitre et qu'il prenne son carton jaune ou son carton rouge à l'année, partie du paysage, c'est pas particulièrement glorieux, mais c'est pas... C'est même sympa. Voilà, on a eu Antonetti qui en a fait plus... Disons ce qui était assez curieux dimanche, c'est qu'il se fait expulser quand même, alors que le Racing venait de mettre le deuxième but sur une touche, enfin quelque chose finalement de relativement anodin, hein. Et il a vraiment pété le plomb à ce moment-là. Il vit le match à fond. Je vous rappelle, une semaine avant ou non, deux semaines avant, il nous fait le. Il dit quand même que Fofana, à la limite, il simule sur la faute de Doumbouré. Et devant le tollé général des fans de Racing. Ah ouais, non, désolé, je m'excuse. Alors ça marche, hein, tu peux te gourer, puis je m'excuse. S'il va le faire 3-4 fois, il passera vraiment quand même pour un gros Mickey, quoi. Je viens de voir les images, pour moi, il n'y a pas faute. C'est ça qu'il a dit. Ah. Ouais, je sais pas quelle image il a de Malik et tout machin, etc. Quoi, mais c'est des images de Jean-Michel Aulas qui tombe dans l'escalier. Mais du coup, ouais, ça va marcher un temps. Quoi. Il pourra dire des énormités, revenir après en disant oh, je m'excuse. Là, c'est la première fois qu'il le faisait. Les gens disent ouais, ok, c'est sérieux, le mec qui s'est excusé. C'est la barrière de la langue. Voilà. Mais il va pas pouvoir le faire 3-4 fois. Quoi. Les gens vont lui dire à un moment donné si. Sous prétexte que tu t'excuses derrière, t'as le droit de dire toutes les saloperies du monde. On peut faire ça 1000 fois une personne. Et... Exactement. Ouais, c'est vrai que cette année, il y a une tension supplémentaire. qui vient sûrement avec les nouvelles ambitions et puis le nouveau ben le nouveau budget qu'on lui a donné, parce que l'année dernière on lui avait filé je sais pas 15 20 millions 30 millions d'euros pour faire une équipe, là on lui a donné 110 millions d'euros. Est-ce que c'est lui qui fait quelque chose ou c'est quand même... Non mais je veux dire il est quand même il est responsable de cet oui, investissement. Faire évoluer, oui. Donc du coup on lui je pense que l'objectif comme l'année dernière l'objectif c'était pas de finir en Conference League parce que le PSG a gagné la coupe. Cette année l'objectif c'est pas de finir en Conference League en finissant sixième du championnat et en s'implaudissant. Genre, il y a quelque chose à aller chercher. Donc, il y a une obligation de résultat qui peut lui mettre une pression supplémentaire. Encore, et là, pour le moment, il est encore relativement cool. Effectivement, on le sent plus nerveux quand ça tourne pas dans son sens. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je pense qu'en fait, quand les choses lui résistent, on sent une tendance à vite dégoupiller. Que ce soit après le match contre le Havre là avec sa sortie un peu, l'histoire de Fofana où il est très frustré de la défaite et puis du coup il se venge un peu sur le pauvre Fofana qui est pour rien, ou bien au contraire contre Lille tu comprends pas trop effectivement, mais ouais c'est ça. Et bon c'est dommage. Après il a réussi à... il y a aussi un autre élément, je pensais qu'il a réussi à avoir très bonne presse, c'est-à-dire que globalement les commentateurs même s'ils comprennent pas grand-chose à ce qu'ils racontent parce qu'ils ont dû s'adapter, ils ont dû trouver des anglophones pour comprendre et... Ouais, je pense que ils ont pas été frustrés que sa promesse n'ait pas été tenue. Après, quand tu lis les trois quarts de ses discours, justement, quand ils sont policiers, tu demandes la même chose à ChatGPT, tu l'obtiens, quoi. C'est très très lisse. Ouais. C'est de la langue de bois. Hein. C'est de la langue de bois. C'est tout est great, tout est magnifique. Les joueurs sont géniaux. Ouais, je pense qu'il peut quand même l'avoir mauvaise. C'est les meilleures taxes qu'on a jamais. Ah pardon, non, ça c'est Donald. Il peut quand même après l'avoir mauvaise sur 2-3 matchs qui auraient pu tourner autrement. Hein, Marseille. Ouais, bien sûr, mais ça c'est le. Là, on est sur le foot, ouais. Oui, mais il y a des matchs où t'aurais pu gagner et des matchs où où t'aurais pu perdre et tu l'as pas fait, quoi. Oui, mais bon. C'est juste son truc. Mais il faut pas oublier non plus que c'est quand même un globalement jeune entraîneur, quoi. Oui. Il n'a pas non plus une expérience complètement folle. Parce qu'il a joué contre Giroud. Oui, et une photo. Une photo. Ouais. En finale de la Cup, non ? En finale de la League Cup. Qui avait été perdu, mais qui avait permis à Hull d'aller en Coupe d'Europe pour se faire éliminer par l'Okeren. Ok. Ah ouais. Ah ok. Ouais, Des stats à la hauteur. Non, parce que j'étais au match. Il s'est demandé est-ce qu'il a vu Rosanur, mais il n'avait pas une empreinte suffisamment marquante. Non, elle n'est pas franchement. Arrière droit moins intéressant. D'ailleurs, je me rappelle, je pense que quasiment aucun joueur de cette équipe de Hull qui était vraiment genre négligeable. Ouais, alors que l'arrière droit de Hull de l'époque se souvient de ce français bouclé qui avait l'air ivre le long de la main courante. D'accord. Qui a fait une belle passe décisive à Emega ce week-end quand même. Giroud ? Ah bah oui, il lui fait une... Magnifique. Hein. Ouais, d'accord, quand on a lu les articles le matin, genre Giroud a pas marqué depuis 450 minutes, on était tous d'accord pour dire que logiquement, c'était là que ça allait. Il va nous la mettre à l'envers. Voilà. Mais c'était l'ancien Racing, ça. Ouais. Le Racing actuel, le mec qui marque pas pendant 450 minutes. Tu sais, le nombre de fois qu'on a relancé la carrière de Daniel Moreira ou de mecs comme ça, tu vois, là. Même Cyril Chapuis. Là, par exemple, moi j'ai été terrifié lors du match contre Auxerre, qui était aussi dans la fenêtre du match. Que Sekou Mara allait jouer. Mais oui, et quand je lis dans le journal que Sekou Mara n'a pas le droit de jouer dans Strasbourg, contractuellement, alors que je pensais que c'était interdit, ce genre de conneries-là. C'est interdit contractuellement, mais après tu peux faire des clauses. Enfin, voilà, et que du coup on n'allait pas avoir Sekou Mara qui allait marquer son premier but de la saison contre Strasbourg. Ou contre je vous rassure, il n'a pas remarqué depuis non plus. Hein. Voilà, la vraie question c'est est-ce que c'était une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle de mettre cette clause quand même pour le Racing. Oui, c'est ça. Je pense que le Racing a payé pour mettre cette clause. Oui. Donc voilà, donc petit aparté sur Rosinor, mais ça nous permet de donc on va pas parler des matchs. Hein. De toute façon, vous les avez vus. Il y en a eu trop. Vous avez vu, vous les avez pas vus. Parfois, ouais. Franchement, ils étaient nuls en plus. Et puis il y a des matchs qui étaient, enfin, les matchs de Coupe d'Europe notamment, il y avait rien. C'était pas de la vraie Coupe d'Europe. Je crois. On disait quoi ? On disait que c'était la fausse. C'était presque la fausse sceptique de la Coupe d'Europe. Joli. Ce qu'on a vu. Bonne réponse. On a quand même 2 victoires, 1 nul, et on s'est fait chier les 3 matchs. Qu'importe, on aurait pu faire 3 nuls, 3 défaites ou gagner les 3, ça aurait rien changé. La production était indigente sur. J'ai vu les 3 matchs et on s'est fait chier. Le meilleur adversaire c'était Brøndby en barrage en août. Ils avaient l'air un peu plus Bah, c'est aussi un match à élimination directe, du coup, pour ouais, y avait plus d'enjeux. Oui, il y avait effectivement, mais là, autant les Polonais que les Slovaques et les Suédois. Les Suédois dans un stade vide, un jeudi soir en novembre. Avec une bande de pelouses à plus haut et le truc. C'était mythique. Mais justement, c'est avec une équipe bis à chaque fois. C'est une course qui m'intéresse plus que de revoir les... Ça me fait penser à une question de... Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question sur ce côté-là. Je le retrouve dans approximativement quelques secondes. Je crois que c'est Super Dohu. Vous connaissez Super Dohu? Vous connaissez le modérateur? Sa question est: se qualifier pour une Coupe d'Europe et y aligner les remplaçants, une honte ou pas? Salade niçoise. Non, mais il s'est mis un peu à l'échelon de cette Coupe d'Europe qui ne nécessite pas un investissement majeur. Donc pour l'instant, effectivement, les 11 alignés, ils font pas de figure, mais il suffit d'obtenir des bons résultats contre des adversaires un peu folkloriques. Mais il prend quand même un risque. Parce que tu peux avoir le risque de, à la 60e, ça tourne mal, et t'as tous tes titulaires sur le banc de touche, t'es obligé de le faire. Ça a failli ne pas sourire, Tu peux prendre le risque en sens inverse. Au final, ce qui... Finalement, il se dit qu'il reste encore des matchs, donc tu peux encore se rabattre sur les... comme le PSG Liner. Oui, parce que... Il y a encore en tout 6 matchs, donc si sur le deuxième, il peut encore faire des expérimentations. Oui, parce qu'être dans les 24 nécessite quand même pas énormément de points. Ouais, t'as très j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal sur ce raisonnement-là. Ouais, je comprends pas. Tu te fais déjà chier 34 matchs dans l'année pour gratter un strapontin en Coupe d'Europe. Quand tu l'as, fondamentalement, tu ne joues pas à fond. Par contre, tu joues à fond de nouveau tes 34 matchs pour essayer de raccrocher un strapontin la saison suivante. Ce sera le même. Si tu vas dans l'espoir américain, c'est que tu te fais chier en saison régulière et en play-off, tu mets l'équipe B, quoi. Moi, ce que je veux, c'est pas blesser les joueurs titulaires pour avoir les play-offs de nouveau l'année dernière. Mais tu les as cette année, mec. Il y a une autre raison, c'est que la place européenne t'ouvre le droit des droits TV plus lucratif que tout. Ah si, parce que on se rappelle tous de cette phrase « l'Europe ou la mort ». Oui. Clairement, c'était récupérer 0 ou récupérer 1. Donc le Racing a tout fait pour être dans ceux qui vont récupérer un tout petit peu plus d'argent que le reste du championnat. Mais globalement, les droits TV, même les gains que tu fais en gagnant des matchs ou même en allant très loin dans une Coupe d'Europe, enfin, c'est peanuts par rapport à l'investissement transfert. Non, mais c'est pour les droits TV domestiques. Les droits TV, ouais, parce qu'en fait, même les droits TV domestiques, ils sont à peine plus grand chose. Non, si, parce que les droits TV européens, ils sont indépendants des droits TV tout pourris que tout le monde a. Mais donc, du coup, les droits TV de la Conférence League, c'est pas grand chose. Non, mais parce que quand t'es dans le club, quand t'es européen, tu as le droit, les droits donc de la Ligue 1 à l'étranger sont versés uniquement aux équipes européennes. Oui, mais d'accord. Mais donc, du coup, ça va faire quelques millions en plus. Donc, t'as les sous du Haut-Karabakh. Voilà, avec les 4000 décodeurs de JP Darky. Ouais, mais attends, l'argent que tu vas toucher, c'est l'argent pour payer la différence de salaire entre ISS et Chilwell, quoi. C'est ça. C'est ok, super. Non, mais d'accord, il y a un côté un peu absurde, il y a un côté un peu hamster dans sa cage. Mais pour l'instant, globalement, ça passe. Il fait service minimum. Imaginons. Et ça permet à des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu parce que trop mauvais pour la Ligue 1. Parle pas de ce vol comme ça, putain. Non, j'y peux même pas. Amougou. Ah, des gars qui... Amogou Louis, la doublette neurasthénique du milieu de terrain. Amogou n'a perdu aucune balle dimanche en Ligue 1. Alors il est rentré 10 secondes, mais il n'a perdu aucune balle. Il n'est pas Amogou, mais... Malgré tout, on ne sait pas trop quel est son poste, si c'est un 6 ou un 8, mais... Non, mais quoi, tu vois, ce genre de match, c'est un 8 en coupe. Lui, c'est plus 8-6, à mon avis. Ouais, 8-6. Mais franchement, la doublette qu'il nous met à chaque fois, là, quand il nous met Amogou Louis, mais tu vois la compo, tu sais que tu vas pas passer un bon moment. Alors j'ai une question justement en parlant de passer des bons moments et de compo. On va dire qu'effectivement le match face aux Polonais, genre le stade était loin d'être presque plein. On a raté un guichet fermé. Les deux matchs à l'extérieur, bon, ça intéresse que les mecs qui regardent le foot à la télé en picolant des bières. Maintenant, là, on arrive à Crystal Palace, dans un nouveau stade. C'est quand même le match qui excite un petit peu l'Alsace. J'ai lu qu'il y en a... Il y a quelqu'un qui prétend avoir acheté un billet à 90 balles pour Crystal Palace, mais parce qu'il y en avait deux autres matchs aussi. Donc, c'est comme si Crystal Palace, c'était le « the match ». Et bien, les Stock et les Islandais, C'est The Night. C'est The Night. Et c'est la nuit de cristal. En novembre. En novembre. Non, mais c'est des... Non. Mais du coup, c'est plus, quand même. Les Islandais, il y aura personne. Le 18 décembre, il y aura des ventes en ligne à gogo. Enfin. Non mais donc du coup, on a un climat pour les Islandais. On a ce match donc de face à Crystal Palace qui est un peu l'affiche de cette fin de saison pour le Racing. C'est Crystal Palace qui est un match aussi qui est un peu rentré dans le rang parce qu'à un moment c'est quand même l'équipe qui va bazarder le match. Bah justement, est-ce que Rosenior va bazarder le match en disant je joue le championnat, je maintiens ma philosophie, ou est-ce qu'on lui a dit c'est le match où tous les petits fours d'Alsace sont mangés, toutes les caméras c'est un autre paramètre, c'est une équipe anglaise en face en plus. Ça c'est extrêmement important, qui pour le coup devait être reversé en Europa League et qui n'a pas pu y aller à cause de la multiple propriété, ouais. Et donc à cause du pénalty du mec du Havre, ouais, exact. Si tu prends pas le pénalty du Havre, t'es qualifié en Coupe d'Europe, du coup tu prends la place de Lyon, Lyon va pas dans le truc et du coup c'est le pénalty du Havre. C'est la Panenka. L'effet papillon. Donc du coup, vous pensez qu'il y aura je pense qu'il y aura the big unit, puisque notre ami Liam, effectivement. Enfin, à moins que Crystal Palace, ils écoutent Radio Shtoum. Hein, puis... Bah sûrement. Tout le monde écoute. Jérôme Mateta, la nouvelle. Jean-Charles. Non, Jean-Philippe. Jean-Philippe. Bon, ils ont déjà perdu un match en Coupe d'Europe, là. Mais même en première ligue, là, ils ont un peu rentré dans le rang aussi. Après, Crystal Palace, ça reste foncièrement un club de merde. Hein. On va pas non plus le cacher. Ils ont jamais payé le transfert d'Ismaël. Ça pourrait faire une belle banderole, ça. Et qu'ils n'avaient jamais rien. Prends l'argent. Prends l'argent du transfert d'Ismaël. C'est vrai, ils avaient fait faillite, je crois. Ouais, il y avait une histoire comme ça. C'est totalement vrai. Et qu'il y avait un palmarès vierge avant de gagner cette fameuse Cup la saison dernière. Et ils ont gagné la Super Coupe aussi. Mais donc, du coup, c'est vrai que ça reste. Après, on va pas se cacher que c'est le match un peu le plus excitant. Surtout qu'il va y avoir des milliers d'Anglais bourrés qui vont débouler sur le marché de Noël. Et ça, quand même, ça, besoin d'avoir un billet. Pour aller voir des Anglais bourrés. Voilà, ils ont annoncé 1600 Anglais, plus j'imagine tous les autres qui vont venir sans billets, parce que, comme dit, c'est leur première participation en Coupe d'Europe, ça va être leur deuxième déplacement européen ever. Ouais. Donc du coup, il y aura du monde. Ils vont venir à Strasbourg. Les mecs ont regardé un peu sur Internet, ils sont pas plus cons qu'autre chose, ils vont venir. Ça, c'est pas sûr encore. FKK, etc. Voilà. Donc un match intéressant. Oui, donc ça, c'était un peu dans le triptyque, mais on va un peu revenir en arrière. On avait convenu dans la conférence de rédaction hyper soutenue, hein, où il y avait les pro Blueco, il y a les autres. Les pas anti. Ouais, les pas anti Blueco. Et on voulait parler de ce bilan sportif de ce début de saison, parce que là, je pense qu'on a joué un petit tiers du championnat. Ouais, donc, 12 matchs, c'est ça. Donc, on est comme le titre les DNA au pied du podium. On aurait pu être septième, donc ça, si on avait perdu contre Lille, donc ça veut dire aussi qu'il y a un petit groupetto qui suit une tête de championnat d'ailleurs qui est peu en avance cette année. C'est ça, comparé à l'année précédente. Donc voilà, on va dire qu'il y a un bon. Il n'y a pas de Pogacar cette année. Voilà, c'est vrai. Donc au niveau du bilan sportif, on va dire le bilan comptable est bon. Au niveau du sportif, est-ce que vous êtes agréablement surpris, déçu par certains joueurs, par le jeu déployé? Est-ce qu'on s'amuse à la méno? Est-ce qu'on se fait chier? Voilà. Si vous voulez, j'ai vu assez peu de matchs. Même les matchs où je vais pas, je les regarde pas. Mais j'ai entendu que Panicelli était pas mauvais. Enfin, il était un peu bizarre, on va dire, dans son jeu, parce qu'on se dit, tiens, c'est un mec qui ressemble parfois à rien, qui loupe des trucs simples, qui n'est pas un joueur peut-être de 2025, mais ça le rend peut-être plus attachant que d'autres. Et donc, le voir ensuite enchaîner une série de buts en septembre-octobre, ça... Effectivement, ça a de quoi nous réconcilier un peu avec le foot, parce que il ne montre pas une technique énorme en mouvement. Enfin, c'est un joueur qui est là dans la surface, ou même qui fait des matchs d'avancante comme à Paris, où il arrive à exister tout seul, à occuper une défense. Et donc ça m'a pas mal plu, et le voir être récompensé pour découvrir la sélection argentine, c'est plutôt sympatoche pour un joueur qui était plutôt de D2 espagnol, sur lequel on avait pas mal de doutes. Est-ce qu'il a été recruté avec de la data, Panicelli? Et si oui, quelle data? C'est vrai, il y a... Je vois, on dit toujours que c'est data. D'où ils l'ont trouvé. Panicelli, on n'a pas l'impression que ce soit le joueur data, quoi. Il n'est pas... Bon, après, il avait des stats... Meilleur buteur de D2 espagnol, je pense que ça apparaît sur les écrans radar, data ou pas data. Surtout qu'il était réputé avec... sur son truc, c'était buteur, joueur de surface et excellent jeu de tête. C'était vraiment le truc. Et il a marqué un nombre incalculable de ses buts sur des centres. Et c'est vrai que là-dessus... on avait notre capitaine, Matave, très grand par la taille. Mais pas forcément un très bon jeu de tête. Hein. Et pas forcément un très bon jeu de tête. Il y a eu Kohler. Et du coup, le but, c'était peut-être justement de lui adjoindre un mec qui serait peut-être meilleur là-dessus. La tentative de et aussi associer. Peut-être meilleur, tu vois, genre le joueur un peu bon de la tête, peut-être meilleur aussi dans protection de balle, parce que les méga là-dessus, il est... Un peu plus collectif. Ouais, en tout cas, c'était peut-être l'idée de départ. Et puis comme l'un a remplacé l'autre, puisque l'autre était aux abonnés absents puis car blessé, bah il en a bien profité. Hein. C'est vrai que le jeu de tête, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que finalement c'est un des symptômes de la faiblesse économique de la Liga et donc se faisant du peu de talent. Parce que si vous regardez sur les 5, 6, 7 dernières années, il y a assez peu de très bons joueurs de tête dans le championnat. Mmh. C'est vraiment une compétence qui n'est pas une compétence qu'on travaille énormément parce qu'il y a beaucoup d'innés là-dedans, je pense. En tout cas, c'est plus difficile à apprendre qu'un contrôle ou une frappe enroulée. Et si tu réfléchis par exemple à la Ligue 1 des années 1990, à la période où la plupart d'entre nous étaient plus jeunes, il y avait des très très très bons joueurs de tête. Et là, en fait, en Ligue 1, tu peux faire même un mec comme Mbappé a fait une carrière en Ligue 1 en marquant. Il est nul à chier de la tête, quoi. Et donc là, Panichelli, effectivement, c'est un de ses atouts, je pense. On cite souvent le peu de coups francs directs par rapport aux années 70, 80, 90, mais il y a aussi le jeu de tête. Finalement, en Ligue 1, là, il y a très très peu de joueurs qui se signalent par un très bon jeu de tête, que ce soit en déviation ou pour marquer. Et effectivement, lui, il a ça. Donc ça lui donne, je pense, un avantage non négligeable par rapport à des joueurs plus stéréotypés qui ont pas cette qualité. Quoi. Globalement, les corners et les centres sont quand même moins bons aussi. C'est enfin, je le vois. Enfin, voilà, pour insister à quelques matchs, hein, mais non, moi, je trouve qu'on ne fait pas des super centres. Hein, quand globalement, dans l'équipe, il y a un joueur qui centre bien, il s'appelle Moreira, mais il ne fait pas des centres très traditionnels, ouais. Très en hauteur. Oui. C'est plutôt des centres un truc un peu lobé, soit lobé, soit à terre. Mais par contre, quand il joue, c'est Barco qui est préposé souvent au coup de pied arrêté. Pour l'instant, il y a rien de notable entre guillemets sur le jeu de Barco. On va dire au coup arrêté, il est pas spécialement impressionnant. Si je vais répondre de manière plus globale à ta question, parce que c'était quand même ça l'idée, c'était est-ce que la partie sportive. Eh ben, je dis oui. Le début de saison était relativement intéressant. On se disait qu'on était reparti sur des bases qu'on avait plutôt en deuxième partie de saison l'année dernière. Ouais. On est un petit peu rentré dans le rang. On arrive de temps en temps à faire un accident. Alors est-ce que, comme on le dit, de temps en temps faire un gros accident vaut mieux que le truc. Mais je pense au match de Rennes, c'est ça. Voilà. Non, mais je pense que même au mois d'octobre, on a eu quand même des matchs où même s'il y a eu des résultats, il y a eu des moments où c'était quand même, c'était pas si incroyable que ça. On a toujours une volonté de Rosenior de partir de derrière, de reconstruire des choses comme ça. Ça marche pas tout le temps. Les joueurs des fois sont pas forcément réceptifs. Donc ça joue bien mieux évidemment qu'une époque sous Vieira, on s'entend. Mais c'est pas non plus, à mon sens, c'est que par période. On a du mal à avoir des matchs références où tout un match, Strasbourg a dominé de la tête et des épaules. Je prends Auxerre. Auxerre, on domine la deuxième période et on marque trois buts et tout. La première période d'Auxerre, alors que les Auxerre est dernier, ils se pointent à la méno. J'ai écouté la première mi-temps. C'était pas terrible. Le commentaire de France Bleu n'était vraiment pas. C'était vraiment. Et en fait, on n'a pas. Ça a sifflé en tribune sud, notamment la mi-temps. Ça, c'est le naturel qui revient. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'était globalement, oui, ça joue mieux, mais ça joue mieux par intermittence. Et on a encore des moments où c'est franchement très passable. Ça, je pense, c'est assez inhérent au Rosenior Ball, le fait d'avoir beaucoup de contrôle du ballon, des fois dans son propre camp. Ça fait qu'il y a assez peu de moments où le Racing met 10 minutes consécutives de pression sur son adversaire, ce qu'on aimait bien un peu à une époque, des fois Loré ou antérieur, où le Racing poussait, ça suscitait l'enthousiasme des foules. Alors que là, c'est dur de se dire, ouais, on gère, on contrôle et on choisit si on veut attaquer, et finalement, ben, on tire pas pendant une demi-heure. Donc ça, il y a des moments où le football développé me fait énormément chier. Parce que il se passe rien, même si on contrôle et l'adversaire ne fait rien pendant ce temps. Est-ce que ça me plaît pas, c'est le nouveau football. Est-ce que ça pourrait être aussi la faute des supporters? Ouais. Qui ne poussent pas. Ah, ils devraient pousser avant que non, ça attaque. C'est-à-dire l'époque de Loret, époque référence, mais une équipe genre volontaire mais limitée. Non, mais le public, Lala, il franchissait la ligne médiane, tu disais voilà, tout le monde s'emballait et au moins, il balançait des ballons des fois devant. Alors que là, il y a des fois des matchs où il y a il n'y a pas un tir pendant des dizaines de minutes, il n'y a, ouais, pas un ballon dans la surface. Bah, ça, c'est des effets de mode, tu vois. Genre, c'est comme l'autofiction où les nanas écrivent un livre pour dire comment elles ont été violées par leur père. T'en as 5 ou 6 de suite. Là, c'est la relance vers le gardien et le truc. Ouais, donc, il est un peu dans les canons. Mode, ouais. Après, il est quand même un peu revenu sur certains de ses principes, parce que si on se souvient des schémas complètement dingos de l'année dernière où c'était des trucs asymétriques et tout, etc. Là, on reste finalement sur des 3-5-2, 4-4-2, à la rigueur 3-4-3, qui sont des trucs assez assez classiques. Je dirais que la seule innovation chez lui, c'est ce principe de dire finalement un joueur a pas un poste fixe, je te balade un petit peu. Ça, Claude Leroy le disait déjà. Oui, c'est vrai, finalement, ce grand prophète, un peu trop en avant sur son temps, tu vois, mais... notre ami de Niederscheffelsheim là qui est un peu baladé et ça se passe pas si mal, faut bien le dire, mais quelque part la plasticité des joueurs a remplacé la plasticité des schémas, donc on est un peu on reste dans un canon qui était en fait déjà celui qui était défendu par Julien Stéphan, hein. On relance de derrière. Oui, c'est très à la mode. C'est très très à la mode. Vieira disait la même chose, mais il n'a pas réussi à le. Ouais, c'est. Même Vieira l'a dit en faisant 3 fois deux français dans la même phrase. Mais... Bon, moi, je trouve qu'on a du mal à mettre du jeu, notamment les plus gros. Bah, en tout cas, étonnamment, là, on sort du match contre Lille où on gagne, mais contre Lille en première mi-temps, moi, je trouve pas que le Racing voit beaucoup de balles. Et surtout, avant le match contre Lille, c'était très clair, on gagnait contre les équipes qui étaient derrière nous au classement. Ouais. Et on perdait contre les équipes qui étaient devant. C'est un peu ma déception, finalement. Qu'on n'ait pas perdu contre eux. Monaco, on perd. Lyon, on perd. On perd de peu. Paris, on fait le match nul, maintenant. Enfin, oui, mais on gagne de peu contre les équipes qui étaient derrière nous. Oui, c'est ça, en fait. Moi, je... On a réussi à mettre ces grosses, ce qu'on appelle dans le jargon technique, une branlée. À Angers et Auxerre aussi, où c'est super flatteur. Alors que... Ouais, mais Le de match est à chaque fois beaucoup plus difficile que le score. Le Havre Nantes Metz en début de saison, c'est à chaque fois c'est 1-0, oui, et c'est 1-0 en fin de match sur le fait que t'as plus de moyens sur le banc, en fait. Tu veux dire qu'en fait on a un petit peu infligé genre au Havre Nantes ce que Monaco, Marseille, Lyon nous ont infligé à nous par la suite. C'est-à-dire une défaite pas forcément, une victoire pas forcément méritée sur la fin de match, en jouant sur des avantages que nous on n'a pas, qui serait aussi un petit peu le fait que on va pas se cacher que les arbitres, un arbitre à l'école d'arbitrage, on lui apprend quand même toujours que Ola c'est jamais très loin et qu'il vaut mieux favoriser Lyon que Strasbourg, parce qu'il sait même pas qui c'est, que le coach de toute façon ne parle pas français, on pourra pas lui gueuler dessus. Ça je suis pas sûr, parce que j'ai pas, enfin. C'est ce genre de truc. L'an dernier, l'arbitrage, honnêtement, si vraiment on fait un bilan de l'arbitrage de la saison dernière, il nous est pas défavorable. Hein. Là, j'ai plus d'exemples précis, mais on était les premiers à reconnaître qu'on avait le cul bordé de nous. Donc après, foutre ça sur le dos d'un pénalty à Lyon ou que sais-je. En fait, si ça arrivait une fois ou deux, mais bon, tu perds contre Marseille à la dernière minute, un match que t'avais vraiment dans les mains, quoi. Je veux dire, tu mènes au score, t'es à domicile, et là il y a le public chante, ouais, les improvisateurs et voilà, bon, Monaco peut-être, Lyon peut-être, mais le reste, Paris d'une certaine façon c'est assez heureux, j'irais même plus loin, c'est d'autant plus surprenant que globalement l'équipe qui joue, c'est à peu près la même équipe que l'année dernière. Dans le sens où, à part Panicelli, qui est une recrue qui joue quasiment tous les matchs, la structure même de l'équipe, elle est extrêmement proche de la truc. C'est-à-dire que les nouveaux venus, la fameuse armée mexicaine là, de 18 joueurs qui est venue cet été, il y en a relativement peu qui jouent titulaire. On a évidemment Penders dans les buts, parce que voilà, on l'a, et on en discutera. Penders, il y a des questions sur lui après. Il y a Panicelli avant-centre, mais le reste, en défense... Il y a quand même plus Santos. Hein. Il y a quand même plus Santos. Mais justement, les remplaçants du milieu de terrain, les Oyedele, les Luis, les Amogou, tout ça, l'autre, le Diop qui est revenu et reparti, tous ces milieux de terrain qu'on a achetés. Il y a le Polonais aussi, hein, qui a jamais. Bah, c'est Oyedele. C'est Oyedele. Et en fait, il y a nos milieux de terrain. Erreur facilement compréhensible, puisqu'il n'est jamais venu à Strasbourg. Hein, ça, c'est un montage, c'est dire. Il n'y a personne qui s'est vraiment. Touché les indemnités du On a un Hochberg en défense centrale qui, pour l'instant, est sur courant alternatif. Des fois, des matchs pas trop mal, des fois, des matchs catastrophiques. Il n'a pas vraiment. Voilà, il joue, mais il est un peu dans une rotation avec Doucouré, Omami Bédélé, Sarr. Voilà. On a quand même il y a que Silla qui est en dehors de la rotation, mais globalement il est dans une rotation. Au milieu de terrain, bah, c'est toujours du Barco, El Mourabé, voilà, qui joue. El Mourabé, c'est quand même relativement surprenant de voir. Ouais, mais c'est. Mais pas l'attendre. Voilà. On pouvait pas se dire. C'est parce que Hathor n'est plus là pour lui dire. Mais tu vois, même en attaque, on a des Godot, des Enciso, des choses comme ça. C'est les mecs qui viennent. Ouais, ils sont pas titulaires tout le match parce qu'il y a des anciens comme Nanasi qui reviennent un petit peu. On a évidemment les blessés. On a Ouattara qui s'est fait son trou aussi un peu au milieu de terrain. Mais ce que je veux dire, c'est que des mecs on a déjà vu. Non, Nanasi et Ouattara, on en a déjà vu l'année dernière. Et là, cette année, bah, sur ces 18 joueurs qui sont arrivés, force est de constater, à part Penders et Panicelli qui ont vraiment le rôle de vraiment titulaire et qu'on voit extrêmement souvent, et Osberg à une demi-mesure, il n'y a pas quand même beaucoup. Et donc, du coup, on a un peu le même jeu que l'année dernière. Et donc, du coup, on pourrait s'attendre à ce que les mecs qui jouent dans le noyau de l'équipe, les 8 mecs qui jouent tout le temps ensemble, bah, que ça se trouve mieux et que ça progresse. Et moi, j'ai pas particulièrement l'impression. J'ai l'impression que c'est similaire. Même s'il y a quelques individualités, évidemment, Barco fait un bon début de saison, c'est un bon joueur, il n'y a pas de problème. Panicelli fait un super début de saison, il n'y a pas de problème. Il y a quelques individualités qui sortent du lot, mais globalement, c'est pas non plus incroyable. Parce que je pense aussi que ce 3-5-2, si les pistons que sont Moreira et Doué en général sont bloqués, même si Ouattara joue 6 postes, c'est beaucoup plus compliqué pour construire quelque chose. Ouais, et puis après, je pense que l'effet de surprise est passé aussi. Et tu vois, un mec comme Moreira, l'an dernier, je pense qu'il. Je me souviens de quelques matchs comme ça où il arrive là où on l'entend pas. Moreira, je pense contre Lille, il était bien identifié. Ça n'empêche pas de faire un centre et une passe décisive, mais évidemment les équipes en face s'adaptent. Et soit dit en passant, finalement, si on demande un bilan, moi je pense que le Racing est à peu près à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre au vu de l'argent qui a été dépensé en marché de transfert et en masse salariale. On peut même presque dire que c'est un strict minimum. Hein. Disons que je pense que effectivement le contrat de Rosenior implique qu'il soit à peu près au niveau où il est. C'est ça. Et plus ou moins une place. Et donc, il n'y a rien d'absolument exceptionnel au regard des moyens qui ont été mis. Oui, c'est ça. Et surtout, en fait, le pari initial qui était de se dire on va injecter beaucoup d'argent dans un championnat qui est en déclin économique. Parce que quelque part, c'est plus facile du coup de briller. Et un peu battu en brèche, parce qu'effectivement, on se retrouve face à des équipes qui sont relégables, mais qui sont assez vaillantes quand même. Hein, parce que même Angers sur le 5-0, il y a un moment où ils ne sont pas forcément totalement ridicules en début de match. Hein, ça tient pas après derrière. Malgré tout, sur le classement, il y a quand même Strasbourg, actuellement 4e, mais fait partie. Du quota. Si beaucoup pensent qu'ils peuvent faire 1, 2, 3, 4, moi je pense pas, mais ils sont dans le top 7, 8. Oui. Alors que. Le top 7, 8, s'il n'y avait pas eu ces investissements ou s'il n'y avait pas eu, etc., ils auraient, selon ce qu'on peut se dire, c'est qu'il. C'est rarissime d'avoir Strasbourg dans cet entourage, alors que d'habitude c'était plutôt entre mots 10, etc. Alors après c'est rarissime, mais tu joues quand même un peu. C'est un raisonnement contrefactuel, évidemment, hein, c'est du what if, mais avec tout l'argent dépensé, si t'avais mis un petit peu plus d'expérience et un peu plus de conservation de certains joueurs, mais en fait, c'est pas quatrième que tu fais, ça t'écrase le championnat. Parce que le PSG, il est un peu aux fraises, il a la Coupe d'Europe à gérer, beaucoup de blessés, etc. Mais et nous, là, on se balade avec notre troupe de mecs de 20, 21, 22 ans, qu'on n'a pas forcément tous choisi. Putain, si on avait pu garder 1, 2, 3 gars. C'est à la fois comparativement aux moyens de 200 millions, je ne sais combien depuis 2 ans, c'est la moindre des choses, on va dire, d'être dans le top 5 ou de se mêler au top 5. Mais par rapport à Strasbourg, qui n'a jamais fréquenté ces latitudes, on peut se dire que bon, voilà, ça peut en émoustiller certains. Ah, mais ça, c'est absolument certain. Donc, le fait de se retrouver. À la fois avec des moyens démentiels, considérés par une partie de la presse. Voilà, on parle de Strasbourg, voilà, machin-ci. Effectivement, ça peut exciter pas mal de monde. Personnellement, ça ne m'excite pas. Donc, malgré tout, j'essaie d'être l'avocat du monde. Heureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas excités. Je suis le pro-blouco du soir. Il faut endosser ce rôle. Mais on peut dire que le constat originel hein, qui doit dater de... Changement de dimension. Le constat de... moi, je prends toujours cette phrase « L'Europe ou la mort », on sait jamais qui l'a prononcé. Enfin, c'est avec Bali, mais il l'a jamais dit. En fait, le constat que Ekbali a fait, hein, parce que c'est même pas Blouko qui décide, hein, je pense, de dire ce championnat, ce championnat est déclinant et il faut absolument écraser tout en mettant énormément d'argent, il a senti le moment, c'est le moment où il fallait frapper bord. Après, c'est. Mais paradoxalement, le Racing l'écrase. C'est une demi-réussite, hein, c'est vraiment une demi-réussite. Après, on a que 11 matchs, hein. On a Blouko, hein, a quand même réussi à mettre Strasbourg sur la carte du football français. En deux saisons, on est passé d'un club sympa, qui jouait la relégation avec des entraîneurs marrants, soit Thierry Loret parce qu'il faisait des blagues, soit Vieira parce qu'il était marrant à voir jouer, voilà, nul. On est passé à un club qui est reconnu pour, voilà, on joue, il y a des gros joueurs, c'est une équipe qui compte. Maintenant, il va falloir quand même confirmer. Il faut confirmer, parce que là, ça fait quoi, sous l'ère Blouko, c'est 12e, 7e. Ils sont obligés. Je pense que les actionnaires ont demandé à ce que ces Coupes d'Europe aient pas strapontin comme cette année, récupérer. Je pense que cette année, ils doivent faire minimum 6, mais il faut faire minimum 5, parce que 6 serait un échec. Si, mais ça peut être la Coupe, la conférence aussi, si la Coupe de France est gagnée par un autre. Mais... Oui, vu l'état du PSG, c'est pas impossible, hein, que quelqu'un d'autre. De toute façon, on va gagner la Conférence League et la Coupe de France. Et le championnat. Et le championnat. Ah, ça, c'est sûr que l'ambition, c'est pas ce qui étouffe les joueurs. Hein. Que si d'aventure le Racing gagne la conférence, ce serait où? Ce serait une place en Europa League, c'est ça? Est-ce que cette coupe existera encore l'année prochaine? Non, mais Strasbourg gagne contre tous les adversaires modestes, ça donne victoire. Et donc, ça fait quand même, ça réduit l'incertitude. Mais paradoxalement, contre l'argent réduit l'incertitude. Contre les équipes classiques. Plus hautes. Bien sûr, il y a le plafond de verre que je. Non. Qui est incontestable. Donc concrètement, ça peut donner une 7-8e place. Quoi. En fait, oui, c'est ça. Ça peut basculer dans un sens ou dans l'autre. Moi, je pense juste qu'on a intégré un club. On a intégré un club avec Nice, Lille, Rennes. Monaco, même pas Rennes, moi. Mais tu as des clubs. Rennes, chaque année, vous avez la carte, mais si jamais ça. T'es bien sûr trop petit pour aller jouer très haut. C'est-à-dire assez rarement, tu peux jouer la Champions League, c'est-à-dire les trois premières places. Mais évidemment le maintien te concerne plus et que voilà, tu peux aller sur une saison aller peut-être 4 et quand ça rigole moins t'es 8 quoi, mais c'est entre 4, pour moi c'est entre 4 et 8. Je comprends les pro Blouko qui pensaient que le Racing était condamné à jouer le maintien et qui se rendaient pas compte qu'avec Louret on n'a pas joué le maintien 3 saisons sur 4. Donc là pour eux ça fait une différence, alors que voilà, c'était pas le cas. Et les soi-disant purges de Louret, bah c'était autre chose, quoi, qu'on voit actuellement. Mais sur, sur les résultats bruts, même si c'est le minimum, ça peut dénoter quand même un changement de statut du Racing. Mais ça n'implique pas un regain de passion, effectivement. Donc ça n'a rien à voir avec l'ambiance animée par les ultras, mais je trouve que c'est un public. Il y a des gens il y a des gens non plus qui sont pas dupes. Il y a quand même, on l'a plus vu, je trouve, au mercato d'été là que les autres mercato, cette empreinte, on va dire, de multipropriété avec Chelsea qui vient et qui force, notamment le cas Penders, on pourra peut-être en discuter. Ah, on peut. Mais Penders, là, c'est qui. Ou la vente de Bakwa au bout de 2 ans, alors que garder les joueurs, c'était quand même une espèce de promesse qui m'a. Ouais, sauf que leur argument, c'est de dire que 2 ans, on l'a bien gardé. C'était quoi. Pour les gogos, donc voilà. Mais voilà. Mais tu vois, où il y avait les deux transferts un peu. Ouais, j'essaie de faire le pro Blouko aujourd'hui. Bah, tu fais bien. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, on a eu cet été quand même des transferts foireux entre l'aller-retour de notre ami ISS, les deux autres Diop, mecs qu'on a, Diop et Koulibaly, que à peine tu les as achetés, ils sont déjà reprêtés. Enfin, des choses. Et on te fait prêter Chilwell, alors qui a été un bon joueur, mais qui pour l'instant est l'ombre de lui-même quand il joue à la Méno. C'est l'ombre de Stéphane. On l'a acheté, ouais. Non, il était libre de tout contrat, je crois. Voilà. Ouais, on l'a signé sans indemnité le transfert. Voilà. Mais entre ces trucs-là et le fait est que, ils ont tellement de gardiens que, il va bien falloir. Vous n'avez pas le droit à Strasbourg d'acheter un gardien. C'est Chelsea qui dit, maintenant, on vous donne le gardien de l'année. Tous les ans, il y aura le gardien. Donc, tu peux pas construire tous les ans. T'as un nouveau gardien. T'as ton combo gardien. Alors l'année dernière, évidemment, on a gagné au grattage et au tirage avec Petrovic, qui était quand même un excellent gardien. Là, cette année, forcément, bah, en comparaison, il est un peu moins bon. Il est pas catastrophique, il est moins bon. Il est belge, hein. Il est moins bon. Et du coup, les gens sont pas dupes, quoi. Ils se rendent compte quand même que sur quelques points très précis, on se fait enfumer. Mais sur la globalité, l'impression générale que les gens ont, c'est globalement, on joue du classement. Globalement, ça joue mieux que certaines autres années, donc c'est positif. C'est aussi simple. Après, ça reste un point de vue. Donc, ça reste un point de vue, effectivement. Non, mais le nombre de points, ça peut être. C'est pas plus. Non, mais. Même si. Non, moi, je suis pro Blouko, je suis content de jouer la quatrième place, la troisième place, même si la quatrième place est une place bâtarde, puisqu'on part sur deux tours préliminaires de Champions League. Donc, qu'est-ce qu'on fait du recrutement? Est-ce qu'on peut acheter 18 mecs d'un coup? Est-ce qu'il vaut mieux pas les avoir en mode? Mais il y a des postes, comme disait Roulian, où. Oui. Voilà, alors, je vais recentrer. Alors, Alex, tu voulais dire, genre, quelque chose, peut-être, de scientologique ou. Pas à l'instant T, mais ça. À l'instant T. Non, alors, Roulian avait un petit peu, là, le cap Enders. Hein, ouais. Mais alors, le top flop. Hein, ah, parce genre, que Super 2U nous avait posé la question. Super 2U, encore une fois. Penders, futur crack ou grosse arnaque? Bah, alors, on peut commencer par Penders, qui est un poste central. Et après, il y en avait d'autres. Hein. Il y avait d'autres questions sur d'autres joueurs. Il y avait des rimes aussi à chaque fois. Non. Non. C'est que les ultras, qu'on est. Pour les banderoles. Donc Penders, difficile de savoir, hein. Et il est, déjà, il a une tête un peu bizarre d'enfant, là. Et... Tu veux nous en parler? Toi aussi, tu vas sur coco.fr. Penders, c'est le symbole. Bah, c'est pour moi, c'est le symbole du début de saison du Racing. C'est-à-dire, par moments formidables, je pense là, la tête là qui sort au match contre Lille, il fait un super arrêt, il la met sur le poteau, enfin vraiment, elle est pas évidente et tout. Il y a eu doute de savoir si la touche ou pas, mais je sais pas. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Ouais. Et à côté de ça, des cagades énormes, genre à Monaco, il fait une énorme cagade qui provoque le tour jusqu'à. Et Ken, il fait une sortie. Voilà. Et des fois, voilà. Et le reste du temps, entre ces deux extrêmes-là, le reste du temps, bah. Il fait le job. Je suis pas sûr que Rosenior soit convaincu de sa qualité de ballon au pied, qui est pourtant un truc très important dans le système de jeu de Rosenior. Mais voilà, ça reste un gardien. À mon avis, si à la fin de la saison il repart à Chelsea, il laissera pas un souvenir impérissable. Mauvais souvenir. On l'appellera à numéro 2. Hein, ouais. Je pense que c'est tout à fait le profil du jeune qui a du potentiel. En fait. Et par moments très bon, mais effectivement, il y a d'autres moments. Et donc son potentiel, c'est pas un signe qu'il verra. Non, mais. Non. Mais t'es trop bloqué aujourd'hui. Ah, merde. Mais dans un jeune à potentiel, il y a un effet loop, tu vois. Oui. Je prends un autre exemple qui n'a rien à voir, mais il y a toujours cette histoire, tu lances des mecs du centre de formation dans une équipe de Ligue 1, souvent une équipe de Ligue 1 qui est un peu en difficulté. C'est un peu, les nouveaux mecs, yo, faut mettre les jeunes du centre et tout, ça va pas. Et si tu regardes sur le long terme, tu vois qu'au final, il y en a peut-être un ou deux qui vont effectivement faire une carrière en première division. Un autre en D2 peut-être national et trois ou quatre autres qui vont assez vite finir en CFA quoi. Et finalement à l'échelle globale du football et notamment du football français, cette espèce de jeunisme débouche sur ça. Et en fait Penders dans un système il y a 15 ou 20 ans, c'est peut-être un mec effectivement qui aurait fini par être un honnête gardien de première division. Il aurait pu finir gardien, je sais pas moi, de Le Havre en 10 ans comme Denzel. Et en fait, c'est déjà très bien. C'est déjà plutôt pas mal hein, dans la hiérarchie du football. Mais là, maintenant, comme il y a cette espèce de hype où en fait, finalement, tout le monde fait la course aux plus jeunes et tout le monde veut remplir un petit peu son portefeuille de joueurs jeunes. Et mecs sont hypés, très jeunes. Et on voit que les carrières sont de plus en plus courtes aussi, hein, puisque là, t'as des joueurs de 31, 32 ans qui ne retrouvent pas de contrat. Hein, et en fait, bah, du coup, ça a un effet miroir déformant. En fait, un mec comme Pender, ça a été vendu très jeune, donc hypé, donc transfert surestimé. Mais qu'est-ce que va être la carrière de Pender? Qu'est-ce que va même être la carrière d'un Petrovic? Certes, une très bonne saison à Strasbourg, mais bon, un gardien d'une équipe. Je pense qu'il y a des postes plus exposés que d'autres. Gardien, en fait, vraisemblablement partie. Il y a peu d'élus, mais bon. Il y a Coco RCS qui nous a posé une question encore. Oui, une question très drôle. Oui, c'est lors du match à Lens, doit-on faire croire à Penders qu'il joue désormais pour le Racing Club de Bialystok afin de récupérer Robin Risser? Donc là, c'est le miroir déformant encore. Je pense qu'il y a une forme de regret parce que Risser fait des bons matchs à Lens et que on se dit finalement pourquoi vendre. Il a été cette semaine le gardien qui a le plus fort taux d'arrêt depuis le début du championnat, je crois, en Ligue 1. Après, et qu'il a été viré parce que, entre autres, son jeu au pied ne correspondait pas à la philosophie de Liam. Ouais. Parce qu'il aurait été moins motivé. Et puis il avait fait des matchs amicaux une année catastrophique aussi. Je pense qu'il a raté le coach des matchs amicaux. Et après, on va dire que c'est aussi le fameux adage nul n'est prophète dans son pays. Je pense que pour Risser, c'était peut-être aussi un moment difficile de percer à Strasbourg, surtout un Strasbourg un peu métamorphosé et qu'il a eu besoin. La preuve, c'est qu'il s'était en prêt révélé toujours que ce soit Dijon en national ou au Red Star en truc. Il avait fait des saisons très honnêtes, mais on sentait que à Strasbourg, ça ne marchait pas. J'ai un jugement plus sévère. On n'a même pas testé. Ouais. Moi, j'ai un jugement plus sévère. Mmh. Moi, je pense que c'est ce que Roulian a dit il y a quelques minutes. Hein. Je veux dire, en fait, c'est une pure optimisation de stock et ça montre justement qu'il n'y a plus d'indépendance sportive du Racing. Parce que si véritablement le Racing avait une politique blouco de développement de jeunes talents, le Carissère, il est évident. Enfin, la plus-value, elle est énorme. Tu l'as formé, tu le revends. Clairement, sur les gardiens, ces trucs. Mais puisque milieu de terrain, on a Ouattara, on a El Mourabé. Ils viennent effectivement du centre de formation. Ils n'ont pas spécialement été écartés. Ils sont prophètes dans leur pays. C'est pas le sujet, quoi. Poste de gardien, c'est un truc où le centre de formation de Strasbourg n'a pas vocation, à moins qu'il forme le futur crack mondial. Risser était reconnu à 18 ans comme le futur gardien de Racing. Ouais, mais il y a à Chelsea 5 gardiens qui font. T'as pas la priorité. Eux, ils ont un intérêt sportif à prendre. Et financier. À dire, Penders, toi, tu vas nous faire une saison complète. Petrovic avait super bien marché la saison dernière. Du coup, on ne recrute pas de gardien et l'année prochaine, ça sera la même. C'est ça. Penders va rentrer chez lui, il y en aura forcément un autre qui va prendre sa place. Et du coup, un Robin Risser peut pas s'intégrer dans ce plan-là, quoi. Ça marche pas. Même si ils m'ont donné les ballons, et je reste persuadé que effectivement notre ami Rosenior est pas convaincu par son jeu au pied et qu'il avait fait 3 matchs amicaux, mais absolument cataclysmique. Ouais, mais dans une équipe qui n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Ouais, mais ça suffisait. C'était la bonne excuse pour pouvoir s'en débarrasser. L'équipe de demain avec le gardien de. Mais je pense en équipe de France Esport, comme il est pas titulaire certes, mais je veux dire. Ça, il y avait Bingo aussi en équipe. Non, mais ça montre qu'il y a du potentiel. Mais je pense que pour le coup, Risser, effectivement, on peut voir des arguments sportifs, mais c'est une pure logique économique. Oui, je pense. En fait, le supporter du Racing qui regarde que le Racing, il va se dire, bah, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on vend Risser 6 millions et qu'on achète Penders derrière? Mais en fait, il y a une vraie différence entre les deux transactions. 6 millions, c'est 6 millions qui rentrent. De l'autre côté, c'est 3, je crois que c'était 3, 6. C'est bradé d'Empire. Et de l'autre côté, c'est de l'argent qui sort juste de la poche droite pour aller dans la poche gauche. Et c'est une bonne optimisation de ce compartiment-là qui, en plus, effectivement, est un segment spécifique sur le marché. Donc le cadre Risser, en fait, c'est d'ailleurs à l'époque, Ekbali avait commencé par bloquer son prêt au Red Star. C'était un de ses premiers faits de gloire. Le cadre Risser, il est un peu emblématique d'absence d'autonomie sportive, dans le sens où il est évident que dans un Racing qui aurait un minimum d'autonomie sportive, même sous le parapluie de la multipropriété, il y avait tout intérêt à développer ce joueur, même si ça supposait de changer légèrement la tactique. Mais par rapport au gardien, il y en a d'autres, hein. Le cas de Manga qui est quand même prêté le dernier jour du mercato, alors que pour le coup il fait des matchs plutôt honnêtes, hein, quand même, il jouait au mois d'août, tout à fait révélateur, hein. Surtout quand derrière il y en a d'autres qui arrivent, comme le joueur du Benfica, là, Raphaël Luiz. Ouais. Et Ouattara et El Mourabet ont eu leur chance, on va dire. Ils sont à un endroit où tu peux jouer à plusieurs postes, où tu as plusieurs milieux de terrain, alors que Risser, t'en as un seul au but. Je pense quand même que tout se décide à Londres, mais je pense que Rosenior, qui est sur le terrain tous les jours, s'il voit un truc, il peut aller en haut et dire non, mais ceux-là, ça je garde, ça vous me prenez pas. Il doit quand même avoir vos chapitres, sinon ça n'expliquerait pas pourquoi qu'un El Mourabé est prolongé jusqu'en 2030 ou qu'un Ouattara, il joue pratiquement tous les matchs à plein de postes complètement différents. Il leur a donné sa chance parce qu'il est pas, ils sont pas, c'est pas non plus obtus, et là je te rejoins en tant que pro Blouco, ils sont pas obtus, dire, je veux placer absolument mes joueurs. Rosenior, il voit très bien que Amoboulou Louis, c'est nul à chier. Il en a absolument conscience, et c'est bien pour ça qu'il le met dans des matchs pour faire souffler les autres. Il en a bien conscience. Il a et le seul truc qui viendrait contredire la logique financière de Blueco, c'est si vraiment il y a un truc qui est évident. Je pense qu'il a quand même voix au chapitre pour dire ouais les mecs attention là il y a ça peut-être qu'on l'écoute. Ouais, mais parce que en fait finalement tout ça est bon, je pense effectivement que c'est vrai finalement que c'est peut-être moins d'intrusion maintenant quand t'es entraîneur du Racing de ton actionnaire parce que finalement eux ils ont un portefeuille global à valoriser sur allez on va dire le moyen terme évidemment pas le long terme. T'es évidemment plus confortable que Pascal Jeannin la veille de Châteauroux. Mais c'est aussi le corollaire des contrats longs. C'est que comme c'est tous ces mecs qui ont des contrats longs, finalement la première année ou même la deuxième année, c'est pas si grave. Ça peut finir par marcher. Petrovic, c'est un bon exemple de ça. Le mec était à la cave, hein, il faisait n'importe quoi. Ils ont fait n'importe quoi avec leur gardien, mais comme le type avait un contrat long, ils ont réussi à le foutre à Strasbourg. Et au final, ils s'en sortent avec du pognon. Donc je pense que même un mec comme un Mogou, ils se disent, il y a moyen. C'est pas totalement mal. Sera mal entendu. Ah, bah, le mec a 15 matchs avec Saint-Té, il est signé par Chelsea où il joue jamais. Enfin, ça, c'est un nouveau système dans lequel, malheureusement, on a un rôle. Alors top flop encore un... est-ce qu'il y a encore on a le droit à combien de joueurs dans le top et dans le flop on a le droit à tout ce qu'on veut on a plein d'argent El Ciso est-ce qu'il va marquer un but ou il va il y a eu une question il y a eu un El Ciso de Panicelli El Ciso retourné il y a une question de Morfaille sur El Ciso peut-être un flop plutôt là parce qu'on parle de top c'est pas drôle ça il y a un flop pour déconner là El Ciso j'avais aussi a-t-il sa place avec un jeu aussi peu collectif moi j'ai une question sur son comme ça jeu collectif et qu'il est pour le coup très omnibulé vers le but dès qu'il a la balle il pense but alors qu'il joue milieu de terrain et il veut tout le temps frapper c'est sûr que il commence à agacer ses petits copains à côté si vous regardez les matchs c'est un joueur qui prend des risques il tente des dribbles et des machins il tente des frappes mais des fois il bouffe un peu la feuille quoi. Des fois il va aller faire la passe et le mec il tente la frappe quand même alors moi je préfère pour le coup j'aime bien les joueurs qui vont frapper au but direct, tu vois, droit au but. Voilà, on y va. Mais là, des fois, tu dis, non, mais là, tu vois bien que t'as deux mecs devant toi, faut pas frapper. La passe, elle est évidente. Et il y va quand même. Pour l'instant, je pense que Rosenior, ça doit le picoter un petit peu, mais il a des facilités. Il va y arriver à marquer des buts, ce garçon. Paez a quelque chose d'inciseux aussi, hein, quand même. Paez, est-ce que ça serait pas le nouveau Angelo, il y a Angelo aussi. Angelo, il y a Amo Ameyao qui ressemble aussi un peu. Tu repiques au centre et après tu reviens en arrière ou tu fais n'importe quoi. Mais moi je mettrais pas El Ciso dans mon top, si c'était ça ta question. D'accord. Et dans ton top, je mettrais pas Nicelli parce que je vois pas qui je peux mettre d'autre. C'est quand même le joueur sur lequel on savait qu'il arrivait effectivement de D2 espagnol sans vraiment un truc. On se dit par rapport à Emega, il fait un super début de saison. Et dans mon flop, je pense que ça va être Non, je pense que ça va être Luis, le milieu de terrain portugais. Le Jesse de Maguet. Je trouve qu'il est, il est lent et dès qu'il joue, enfin, il se passe rien. C'est toujours l'arrière ou sur le côté. Il m'exaspère. Donc pour lui, c'est lui mon flop. Il est beau, ouais. Je parle pas des mecs qui jouent pas, hein, parce que sinon ça serait trop facile. On en a plein qui jouent pas. Ils sont déjà partis. Et des mecs qui sont déjà partis. Est-ce qu'il y a encore un top ou un flop avant de parler, attention parce qu'on a un gros sujet qui vient en 1-3. Le flop, Alain Play. il joue trop vers l'arrière. Ouais, il est trop défensif, tu vois. Bétonneur. Il y avait des questions sur Alain Play, hein, bien sûr, par respect pour l'homme, on ne posera pas. Ouais. Mais top, moi j'ajouterais Morera quand même. Toujours. Et Morera, c'est la confirmation un peu. Moi, je confirme. Hein. Ouais, j'étais pas sûr qu'il confirme, mais il est toujours. Il est number one. Il est number one au flocage de maillot pour les gamins. C'est vrai. Ouais, je pense que les gamins doivent bien aimer le côté les boucles, chien fou, etc. Franchement, tu vois un gamin, il a le maillot Morera. Tu vois, l'année dernière, je lui aurais donné sur sa saison à 8/10. Globalement, j'avais adoré la saison de Morera l'année dernière. C'était vraiment pour moi la révélation. Et là, je dis, c'est bien, mais ça plafonne un peu. Hein. Ça fait un peu moins bien. C'est vrai, bon. Il n'a pas eu de préparation. Hein. Et puis, comme Doué, moi, l'autre top, c'est le champion du monde, hein, Mamadou Sarr. Je croyais que t'allais dire les gars, je crois. Mamadou Sarr est quand même assez serein. Ah oui, champion du monde des clubs. Ah, champion du monde, hein, quand même. Champion du monde de Donald. Et il a bien, d'ailleurs, il a bien fait, lui, de ne pas jouer. Comme ça, ça lui évite de se blesser pendant la saison régulière. Il y a le caleçon où il y a le logo champion du monde et tout. Juste un petit flocage, il devrait avoir le caleçon, je pense. Ah, c'est quand même rare qu'on ait des champions du monde hein, à Strasbourg. Hein, ouais. Mais donc du coup, oui, effectivement, Sarr, qui est un peu le joueur qu'on a été, pour le coup, l'argument, bah, on peut être content de l'avoir récupéré, même si, bon, bah voilà, genre, tu fais un peu la pute bon, pour l'avoir, mais... C'est surtout Lyon qui peut se dire... Merci, on merci. Quand même bradé, c'est un peu le Robin Risser des bords de la Saône. Bon, il a pas... Il a joué à Rennes, non? Quand on a sombré corps et âme. Mais tout le monde a sombré. Ah, bah, je sais pas, ouais. Bah, disons, dans la défense centrale, on préfère quand il y a un Doucouré, un Omami Dembélé, un Hojberg et un Sarr, quand t'as ces quatre-là et un Silla qui coupe les citrons sur le banc de touche. Et Saut, c'est disparu. Moi, je trouve que c'est lui, mais c'est lui qui est blessé. Moi, je trouve qu'au final, celui qui fait le moins parler de lui, mais qui est le plus régulier, ça reste quand même Galadoué. Ouais. Ouais, qui joue. Qui était blessé pas mal aussi. Qui était pas mal blessé en début de saison, mais c'est quand même. Moi j'avoue que j'ai un peu plus de mal avec Doucouré. Qui est quand même. Sur beaucoup de buts, comprend. Ouais, quand il fait des ratés. Il lui reste combien de matchs pas... à ce bon vieux Douc c'est contre Lyon, tu sais. Il en fait 4, hein, c'est ça. Ah, il a eu 4 matchs et il a loupé Auxerre, Lille. 2, donc déjà. Et il a loupé Rennes. Donc, il reste un match à Lens. Il reste encore à Lens et après il sera de retour. Dommage. Le frère Rico, quoi. Merci pour ces avis. Alors, il y avait quelque chose que je tenais absolument. Vrai sujet à parler parce que ça me tient à cœur à l'arrière moi. C'est ce nouveau stade de la Mélo. Est enfin. Enfin. Alors, ça a été un peu difficile. Il n'est pas tout à fait terminé dans la livraison parce que je trouve qu'il met en quart de virage. Là, ça y est, je suis. Ouais. T'as pu retrouver ta place ? J'ai retrouvé ma place. On a toujours le même débile derrière. Ah, voilà ! Le stade d'aujourd'hui avec l'ambiance d'hier. Avec les débiles de hier. Les débiles n'ont pas changé. Non, mais en fait, Follet. Ah, tu connais ta. Les gars Franchement, j'ai le mec le plus débile du stade derrière moi depuis bientôt 10 ans. Et j'avais eu un premier gros espoir avec le Covid, tu vois. Je m'étais dit, bon, il va peut-être mourir. Ouais, bah, tu vois, il y a eu quelques milliers de morts dans la région. Une église à Mulhouse, ça va vite, tu vois. Mais malheureusement, non. Et voilà. Mais donc, en fait, nous, finalement, bah, c'est le stade, effectivement, d'hier. Rien n'a changé. Même siège. Ah oui, les sièges, à part. T'étais où, t'es en quart de virage ? Quart de virage nord-ouest, ouais, non. Ah, mais c'est les sièges, les anciens sièges. Il y a toujours Julien Keller, quelques rangs devant nous. Je suis étonné qu'il est pas dans la loge à guerre. Ouais. Et il reste proche du peuple, tu vois. Mais pas trop, ouais. C'est... Et donc moi, franchement, nous, on est dans nos anciennes pénates, quoi. Et on a eu un espèce de mail un peu putassier. Est-ce que t'as eu son niche gratuit pour te remettre? Ouais, voilà, c'est ça. Genre, le siège. Mais non, mais ce qui est génial, c'est là, c'est vraiment c'est d'une enculerie totale. Alors moi, j'ai pas de visibilité obstruée, malheureusement. C'est genre votre siège, c'est pas, on l'a pas encore changé, donc vous avez le droit de faire la queue pour choper un bon truc de bretzel gratuit, quoi. Je sais, genre, mais trou du cul, tu veux pas juste plutôt m'envoyer un mail d'excuse pour le fait que tu m'as pas replacé pendant 5 matchs, alors que on s'est fait grand remplacer par la tribune sud la saison d'avant. Le siège, j'en ai rien à branler. Le siège, c'est juste un truc sur lequel je pose mon cul, tu vois. Ok, s'il est raisonnablement propre et pas trop collant, c'est pas mal. Mais même ça, j'y mettrais pas une exigence ultime, tu vois. En revanche, peut-être avoir une place garantie. Pour la saison. Pour la saison en tant qu'abonné. C'est autrement plus important. C'est peut-être autrement plus important, tu vois. Donc voilà. Donc, ouais, non, le nouveau stade. Kittel, toi, tu es aussi, quelle tribune? Ah, je suis tribune, 8 rue des Pinsons à Michel. Ah, mais je suis plus abonné, moi. Ah, tu t'es, ah oui, donc, Ouais, donc je suis SDF, mais oui, je suis allé un peu. De temps en temps, tu fais jouer tes connexions politiques. Voilà, je suis allé un peu en sud, je suis allé un peu dans le COP, je suis allé un peu dans le parcage. Oui, un peu en parcage avec l'OM et tout. Ouais, ouais, tu fais de l'amour libre, quoi. Et en fait, bon, ce qui m'a chagriné sur ce stade, je sais pas comment c'est maintenant, puis je suis pas retourné depuis Bialystok. J'aimais bien à l'époque, tu pouvais te balader un peu en bas, tu montais sur la courtive, tu te baladais encore. Et là, maintenant, bah, t'es tout au même endroit, enfin, tout le monde, il y a les mêmes flux. Tu dois naviguer entre les gens qui font la queue pour aller au WC, les gens qui font la queue pour les burgers et tout. Tu dégommes les queues, moi j'aime pas ça. Je les bouffe pas non plus, mais. Et ça, je trouve ça aussi avec la coursive de la Sud où tout le monde naviguait au même endroit. Ça, j'avais vu ça au mois d'août. Où ceux qui descendaient et ceux qui étaient en haut, tout le monde passait par le même endroit. Et ça, c'était anxiogène à tout, enfin, tout était serré. Enfin. Ouais. Donc je ne sais pas comment c'est, si maintenant qu'il y a eu la Nord qui était ouverte, si on peut de nouveau, pas forcément faire tout le tour, mais au moins avoir un peu d'air, un peu d'espace. Non, parce que là, cette coursive aussi avec les bâches de mer, là, moi j'aime bon, les bâches de mer, j'aimais bien voir l'extérieur, quoi. Ça me faisait... J'aime pas non plus, ça avait une ambiance refermée. C'est un peu le truc, déjà elles sont moches de l'extérieur et pas pratiques de l'intérieur. Moi, j'aurais au moins un fuselage d'avion, genre un MiG-29 ou je sais pas. Un MiG-29. Tout n'est pas terminé. Hein, parce oui, que là, déjà, on est quoi? On est à 31 000 sur 32 000. Je sais pas les 1000 autres, qu'est-ce que ça va être. C'est un quart de virage, non? Je sais pas. Mais effectivement, il y a... Enfin, pour ceux qui assistent des matchs dans le COP, ce qui est mon cas, bah, le COP n'est pas étanche. Hein. Dès qu'il pleut, il pleut dans la coursive, la fameuse coursive, il pleut, mais il pleut à grosses gouttes. Donc en hiver, ça va être magnifique. Hein. On va avoir des congères qui vont... en sud, c'était pareil. Il y a eu un match où il a plu à torrent. Moi, je suis passé parce que je voulais pas mourir idiot. J'ai monté les 4 étages pour arriver en haut de la Sud et regarder voir un peu. Ça, j'ai pas encore fait, ouais. Une vue globale. Alors, bon, il faut avoir du cardio. Moi, c'est pas le sujet, mais il y en a certains. On va avoir quelques papis qui vont y laisser la peau, là, je pense. Mais peut-être, pareil, il pleuvait ce jour-là. Il pleuvait dans les trucs de la Sud, quoi. Donc, il y a encore pas mal de finitions. À mon avis, la livraison n'est pas terminée. Puis, il y a des trous hein, dans le cup, hein, dans la tribune. Hein. Ce qui m'a coûté une cheville, hein, jadis naguère. Mais il y a des trous, hein, quand même. Hein. Tu veux qu'on mette des sièges? Ah. Voilà. Et alors, pardon, alors là, vous pinaillez, bien sûr, ça, c'est des trucs d'anti-Blouko. Évidemment. Ah, parce que tout le monde sait que c'est Blouko qui a construit le stade. Tout à fait. Avec public, par contre, public. J'adore les jeux de lumière à façon NBA au début de match. Là, je suis là. Il me faudrait mon popcorn et ma franchise américaine. Ouais, et la Kiss Cam. Je suis sûr que évidemment, tu kiffes la Kiss Cam. La Schmutz Cam. Il y a vraiment une Schmutz Cam ou une Schmutz Cam, bien sûr. Il y a déjà à l'époque. Ça devrait être. Avec Jean-Luc. C'est Jean-Luc qui va t'embrasser, tu vas voir. D'accord. Oui, non, donc. Évidemment, ce choix américain. Il y a aussi Jean-Luc, du coup, avec le nouveau stade, parce qu'il y a une nouvelle façon de célébrer les buts. Hein. Il dit à peu près 4 ou 5 fois merci. Hein, quand même. Ouais, mais sa dernière, c'était 2 fois. Il dit merci pour chaque euro que la collectivité a payé, c'est pour ça. Il y a 4 collectivités, donc il dit 4 fois merci. Tu vois. Merci, le conseil régional. Non, mais au niveau de l'ambiance, par contre, est-ce que le fait maintenant qu'on ait 4 vraies tribunes, ça s'est senti contre Lille, vous avez trouvé, moi j'ai lu. Ouais, c'était nul à chier. Hein. Termine ta phrase quand même. Excuse-moi. Est-ce qu'au niveau de la sonorité, on s'est beaucoup plaint que, effectivement, la tribune vide, ça faisait un trou. Est-ce que c'était mieux, ou alors, Schrotim, toi, ton avis, effectivement, c'est non. En fait, c'est malheureux. Je suis désolé pour tous ceux qui ont dépensé beaucoup d'énergie dans ce stade. Ça me semble être. L'enfer est pavé de bonnes intentions. On peut faire des choses foireuses avec beaucoup d'énergie et de talent. Et en fait, ça arrive un peu tard. Ça arrive quand la dynamique populaire elle est clairement brisée, parce que maintenant il y a un clivage, hein, c'est sûr. Et donc l'outil ne sera peut-être dans quelques années, hein, il ne faut pas être pessimiste, mais à l'instant T, l'outil ne sera évidemment pas pleinement exploité. Mais en fait, la vraie question de l'ambiance, elle a commencé déjà à décliner quasiment vers 2019. Il y a déjà, c'est pas. Oui, là, pour le match de Lille, le seul moment où ça a rugi, c'est quand l'arbitre a fait n'importe quoi à la fin match. Et les gens, là, voilà, c'est le côté instinctif de réagir à l'arbitre. Mais sur la partie ambiance, chant, encouragement de l'équipe, on était sur un truc très moyen, quoi. Très mollasson. Il y avait rien d'extraordinaire. C'était pas horrible. On a connu pire encore il y a quelques matchs. Mais c'était pas non plus incroyable. Et le seul moment où le public a réagi à chaque fois que l'arbitre sifflait un truc qui leur semblait anormal, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, pour le coup, je pense que évidemment, la conflictualité entre certaines associations et une partie du reste du public n'arrange pas, mais vraiment, je pense que l'ambiance décline depuis très longtemps à la Méno. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs phases. Il y a eu une phase fin de National Ligue 2, première saison en Ligue 1, où vraiment, là, il y avait un côté genre mort de faim, où c'était primaire, en fait, tu débranchais le cerveau. Les gens chantaient, hurlaient, criaient, tapaient dans les mains, mais c'était pas le cerveau qui actionnait. C'était vraiment ce côté les Alsaciens bien cons derrière tous, derrière l'équipe. Après, il y a eu une période un peu plus courte, mais qui a été assez marquante, où finalement, on était un peu dans la prophétie autoréalisatrice. Moi, j'ai un gros souvenir d'un match au début de saison contre Montpellier, où en fait, c'était un match de début de saison, un genre de 2-2 ou 0-0 ou 1-1, un peu plan-plan du fin du mois d'août. Ambiance un peu sympa, mais pas non plus à tomber par terre. Et le lendemain, dans l'équipe, dans les DN, t'as l'ambiance formidable de la Méno. Et là, il y a eu une période pendant 18 mois, peut-être 2 ans, où finalement, en fait, il y avait un côté genre... comme c'était écrit, il y avait un côté performatif, les gens y croyaient, alors que ça commençait déjà à être un peu spectateur. Tu commençais déjà à avoir beaucoup de gens avec les téléphones qui étaient en train de faire des vidéos, des trucs, etc. Donc t'avais vachement moins ce côté primaire, quoi. Après, évidemment, il y a eu ce qui s'est passé en 2020-2021 qui a pas aidé. Puis le rachat, la saison un peu pourrie avec Antonetti. Il y a eu quelques petites poussées sous Stéphane, mais même sous Stéphane, honnêtement... Pour une saison 6e place, ça aurait pu être beaucoup mieux. Ça aurait pu être beaucoup plus ouf. Et évidemment, après, derrière, le clivage un peu grossier avec beaucoup fait que... Bah, moi, je pense que malheureusement, ce stade, effectivement, c'est terrible. C'est un peu une ironie de l'histoire, mais il est mal né. Malédiction du nouveau stade, c'est ça? C'est, bah ouais, c'est quand la malédiction du champion du monde dans le cyclisme, tu vois, c'est le gars qui, il est blessé, il loupe le tour, et voilà. Ouais, c'est. Après, je pense que c'est des choses qui peuvent vite revenir. Moi, ça part aussi vite que ça revient. Enfin. Mais avec qui? Avec les Racing Girls et les Blue Coast 67 et 68? Je pense pas, moi je pense qu'on a vraiment un public qui s'est un peu... Est-ce qu'effectivement, comme tu dis, c'est pas au moment où on a commencé à vendre que l'ambiance était formidable, que les gens peut-être. Du coup se sont dit l'ambiance est formidable et ils ont arrêté de vouloir la faire? C'est exactement ça. C'est ça qui... moi, c'est le point le plus important, ce que tu viens de dire, c'est que qui fait l'ambiance, c'est les gens qui font l'ambiance. Et si les gens viennent voir l'ambiance et les gens ne viennent pas participer à l'ambiance, si tu viens voir l'ambiance... Bah, l'ambiance, elle est baisée. C'est clair. C'est clair. Si tu viens un peu comme, je vais voir un spectacle, je vais voir Luminescence à la cathédrale, tu vois, je viens et je ferme ma gueule, je regarde le spectacle. Et les gens, de plus en plus. Ouais, je fais un clapping, tu vois, la rosa, ça allait, allez! Voilà. Mais là, à la Méno, au début, c'était des gens qui venaient mettre l'ambiance, et là, de plus en plus, on a des gens, c'est ce côté un peu hype, Strasbourg joue bien, on vient assister au truc, on se fait des selfies, ces stories, c'est tout ce que tu veux. Et quand il s'agit de participer, oui, sur un champ ou deux, bien sûr, mais il y a peu de gens qui viennent participer. Ouais, au-delà du clivage, il y a évidemment eu le schisme avec les associations de supporters qui ont contesté le public qui n'a pas compris, et donc il y a cette cassure-là, cette fissure-là. Mais il y a aussi, je pense, un changement de public. Oui. Et puis, je pense que même il y a un public, alors moi j'irais même plus loin, je pense qu'il y a même une partie du public, et c'est le fameux embourgeoisement dont on parle, c'est-à-dire que tout le monde s'est dit, genre avant effectivement on était tous morts de faim, on pensait qu'on n'irait jamais voir un match de Ligue 2, qu'on verrait plus jamais un match de Ligue 2, donc on jouait contre Colombier, on était fous, on touchait du doigt, on jouait Angers, c'était la folie parce qu'on rejouait, donc tous les matchs étaient une renaissance, et puis finalement comme tout, eh ben, au bout du Lille, c'est quoi, c'est la 6e ou 7e fois qu'on joue Lille à domicile. Franchement, la première fois, on les a rejoués en Coupe de la Ligue, là, avec le but de... putain, comment il s'appelle, là, qui est en équipe de France. De Fofana. Genre, là, tu te dis, voilà, putain, c'était un jeu. Aujourd'hui, tu dis, ah oui, on a joué Lille, là, cette fois, on a perdu. L'année dernière, on avait perdu, on a gagné, on s'en fout. Mmh. Voilà, il y a aussi une lassitude qui vient. Et puis, alors, tout ça mélangé fait que... Mais je pense qu'il y a aussi une dernière chose, c'est qu'il y a les populaires ayant disparu à la Méno, tous les genres de populaires ont fini dans le COP. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas chanter et qui du coup ne chantent pas. Ah bah clairement, le COP était rétréci. Le COP, c'est une tribune de 5000 personnes. Il a récupéré tous les gens qui voulaient à la fois le petit budget et en être, mais sans forcément tout connaître. Et ouais, ah oui, il n'y a pas un topic où on peut avoir le nom, les paroles des chants, parce que ouais, ouais. Et des gens qui n'ont pas la mentalité de se dire, j'observe pendant 2-3 matchs, et après, bah, je commence un peu à comprendre ce qui. Ouais, je pense que c'est le public le plus difficile parce qu'effectivement il a intégré le COP sans vouloir en faire partie, parce que tous ces gens qui sont pas venus à l'époque, il y avait de la place, hein, genre quand on remonte en Ligue 2, le COP était au grand ouvert à tout le monde. Il y a même des gens qui sont partis parce que ça leur convenait pas. Parce oui, tout à fait. Il y a des stubistes, je pense au Nain de Jardin qui a dit, moi ça me faisait chier parce que c'était ma place. J'étais exprès parti du quart de virage, je suis parti ailleurs parce que je voulais pas. J'avais plus envie d'être là-dedans, mais là par la force des choses, on a regroupé tout le monde dedans, et donc en fait ils ont envie d'avoir l'ambiance, mais ils n'ont pas envie de la faire. Et c'est le plus virulent, en plus. Mais en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi un hiatus, c'est que je pense que le niveau de passion et d'engagement pour le Racing, en revanche, n'a jamais été aussi fort. Quand on voit l'intensité des débats, le nombre d'émissions, le nombre d'interactions... Le nombre de sifflets. Ouais, de sifflets, de polémiques, d'attention médiatique que ça génère. Le litre de bière bu au stade. C'est devenu vraiment un truc... Ça a toujours été un truc très populaire dans la région, mais là, ça a franchi un stade supérieur dans le sens où les gens suivent véritablement les matchs, alors qu'avant, c'était peut-être un peu plus distancié, etc. Mais ça se traduit pas en ambiance. Et donc, je pense que c'est une frustration monumentale pour les gens qui ont bossé sur ce stade, mais qui va rappeler des souvenirs à ceux qui ont fait le stade en 84. Le stade en 84, il était aussi arrivé 3-4 ans trop tard, en fait. C'est-à-dire que... T'avais une tribune déjà ouverte en Coupe d'Europe des clubs champions, là t'avais déjà la Ouest ouverte. Ouais. Et ensuite, il y avait 3-4 000 personnes. C'est ça, donc le stade de la Méno dans les années 80, ces choses, les gens ont un peu tendance à oublier ça, ils faisaient des 3, 4, 5 000 personnes sur des matchs contre Auxerre ou La Roche-sur-Yon en D2. Ouais, c'était la D2, il y avait personne. Et pendant très longtemps, ce stade était mal né. Alors moi je suis pas d'accord avec toi, parce que moi je connais des dizaines de milliers de personnes qui sont là depuis 40 ans et ils ont vu tous les matchs. Ils ont vu... C'est comme les supporters de Marseille qui étaient à Fort Bac. Il y avait 35 000 à tous les matchs. Bon, par contre, ouais, c'est... Et alors, il y a quand même une constante, c'est que le Racing en Coupe d'Europe, on va dire, depuis ces années-là, on prend les différentes périodes, on va dire, depuis les années 90, ça se joue dans des stades qui sont pas pleins, avec des ambiances somme toute assez moyennes. Là, on va avoir Crystal Palace. On est avant l'enregistrement. Je suis pas sûr qu'on ait une ambiance incroyable, apocalyptique. Et pourtant, on a vu des gros matchs à la Méno. Le Strasbourg-Liverpool, c'était quand même un match d'anthologie qui restera dans les mémoires de tout le monde. Mais c'est pas des. C'était pas un stade plein. L'ambiance était bonne parce qu'il y avait qu'un quart de virage de 1500 personnes qui. Enfin, ça a eu la tribune est complète de Liverpool. Ouais. En plus, voilà, et c'était pas non plus une ambiance. Enfin, c'était pas incandescent, quoi, comme ambiance. Et là, mon ami Crystal Palace. Voilà, parce que là, contre Bialystok, c'était confidentiel, hein, quand même, comme ambiance. Quand il y aura les Islandais, voilà, on joue la Coupe d'Europe. Soi-disant, c'est le summum. On n'est pas sur des ambiances Coupe d'Europe. Alors pour le coup, quand on parle de pic, je pense qu'effectivement la seule vraie grosse ambiance de Coupe d'Europe, pour moi, c'est le match aller contre l'Eintracht. Ouais. Où là, il y avait vraiment quelque chose, quoi. Mais on était au pic. On était au pic de 2018-2019, et c'est le moment où En plus, c'était un peu le match d'une vie, parce que tu disais que c'était peut-être le dernier match de Coupe d'Europe de ta vie. Ouais. Enfin, l'avant-dernier, vu qu'il y avait le retour, mais quoi que on aurait pu mourir avant le match retour. Ok, donc bon, voilà, une ambiance, le stade de demain avec l'ambiance de demain, à voir, on en reparlera. On devait parler des trois matchs à venir, mais on va dire que globalement, on s'en fout parce qu'il y a le quiz et déjà. Et le frère Rico. Le frère Rico sera. Est-ce que c'est un quiz, frère Rico? Non, même pas. C'est un survivor, j'ai compris. C'est un survivor. Crayon. Là, il faut pas que je regarde. Il faut pas que tu regardes, parce que là, on te voit un peu trop. Là c'est bien flou, là, dans le carton de jambon. Coupe Blouko est propriétaire du Racing, on va dire, depuis l'été 2023. Hein. Gloire à eux. Donc leur premier match contre Lyon, le 13 août 2023. Je voudrais donc les 28 joueurs qui ont joué au minimum 20 matchs sous l'ère Blouko. 28 joueurs ont joué 20 matchs sous l'ère Blouko. C'est peu par rapport à l'effectif qu'on a. Mais challenge accepted. Depuis 2023, c'est ça ? Depuis 2023, ouais. Le premier a 6 bonnes réponses, après on passera à la mort subite. Kittel, tu es à ma gauche, tu peux commencer. Pourtant il est de droite. Non, centre droit. Humanisme. Doucouré, je l'ai vu quelque part. Troisième joueur, 68 matchs, à égalité avec le deuxième. Mmh. Une bonne réponse. Stretim. Petrovic, 31 matchs. C'est quoi la barre, là, 20 20. 20, 20 comptes. 20 ou 20 Ah. Et coupe, championnat, tout. Oh, le championnat, ah, oui. Coupe de crédit mutuel. Nanasi. Mmh. Nanasi, t'es sûr? Oh, ah oui, non, quand même. Non. Non, attends, il a joué combien de matchs? Il a pas fait 20 matchs. Il a pas fait 20 matchs. C'est impossible. Il a pas fait 20 matchs. Non, il était souvent blessé. Il a pas fait 20 matchs. Il a pas fait 20. Merci d'être venu. Ouais, la prochaine, Roulian. Guéladoué, mais oui, il est dedans. Guéladoué, il a joué plus de matchs que Nanasi. 45. Ah, plus, ouais. Je... Ah si, Nanasi, il en a 40. Ah, ouais, ouais. Bon, ça me rassure un petit peu comme très facile. Kittel. Moreira. Moreira, 49 matchs, c'est très juste. Daniel. Emmanuel Emega. On est obligé de le compter. 68 matchs aussi. Santos. Santos. Santos. 45 matchs aussi, facile. Ruyam. Oh, putain, déjà, je commence à douter là, sur les joueurs. Et qu'elle a douté, ouais. Putain, qui est-ce qui a joué des matchs Sarr. Sarr. Mamadou Sarr. Mamadou Sarr. Mmh. 39 matchs, c'est très juste. Ah, il y en a beaucoup. Hein. 28. Donc, au bout de deux tours, c'est un grand chelem. Hein. Mmh. Ah, on a tout trouvé pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Dancing Queen, Dancing King, Bakwa. Bakwa, premier. 71 matchs. 71 matchs. Voilà, putain. Donc le meilleur aura joué 71 matchs et n'en jouera vraisemblablement pas plus que l'instant. Stretim. Écoute, j'ai envie de dire quand même Lucas Perrin. Hein. Lucas Perrin, très juste. 34 matchs. Bigger. Je vais tenter Barco. Barco, très juste. 31 matchs aussi. Julian, pour compléter ce sans feu. Ouattara. Ouattara, je l'ai vu quelque part, 35 matchs. Ah, vous êtes très très bon. Habib Diarra. Habib Diarra, qui était effectivement deuxième à égalité avec Doucouré, 68 matchs. J'ai donné le podium. Ah ouais, t'as donné le podium, c'est quand même. Là, ça mérite déjà. Ça mérite déjà d'aller presque en finale. On sent le Blue Coix. Le Blue Coix extra. Le Blue Coix extra, putain, quel horrible compte putassier de merde. Cela étant, qu'est-ce qu'il y a encore comme connard? Il y a quelques-uns. Certains ont même été cités durant cette émission. J'ai quand même Frédéric Guilbert. Frédéric, le frérot, Frédéric Guilbert, 36 matchs. Bien juste. Alors, je vais tenter des trucs compliqués. Je vais dire Sylla. Sylla, mais c'est très juste. 49 matchs, hein, mine de rien. 49 matchs. Il y a des bouts de matchs. Marvin Senaya. Marvin Senaya, mais très très juste. Hein. Il est dans Senaya, hein, je crois. Senaya, 48 matchs, hein, quand même. Autant que Sylla. Hein. 4 bonnes réponses, grand chelem total. 5e tour. Manga. Denis Manga. Junior Manga. Junior Manga, très juste. M. Vanga. Stretim. Ça devient... Ah, ça... Sekumara. Sekumara, très juste, hein, même si on avait précisé joueur de foot, mais bon, il est dedans. 3 buts. Alors, Sobol. Sobol. Aïe. Il prend des risques, Sobol. Il est pas dedans, Sobol. Pas dedans. Non, il est pas dedans. Il est pas dedans, hein. Les gars, hein. Il est pas dedans, Sobol, je suis désolé. Julian. Le Maréchal. Le Maréchal, très juste, 43 matchs. Donc, au bout de 5 tours, Kittel, Stretim et Julian, 5 points, Gigas, 4 points. Et donc, continuons le tour. Il reste 9 joueurs, c'est ça, d'accord. Il reste quelques joueurs. 28, 15, et 20 matchs, c'est ça. Ouais. Sans grande surprise, hein, vous en avez dit. Avec Patoche. Obo Mabidele, 23 matchs. Ouh là là. Chou. Stretim. Matt Sells. Non. Non. Si, non. Non. Il doit être pas loin, il doit être 18-19. En plus, c'est perdu. Du gus. Il faudrait que j'essaie de ressaisir la. Ce qu'on avait mis comme tapé, comme flop. Qu'est-ce qu'on a vendu l'année dernière là, qui était bon? Forcément un joueur qui a beaucoup joué. Ah, je sais pas, je vais dire une connerie, je vais dire Angelo. Angelo, très juste. 25 matchs, bien joué. Bravo, bravo. Et tu penses surtout à sa nana. Roulian, pour rejoindre Kittel avec 6 bonnes réponses. J'aurais dit, mais il n'a pas pu rejouer là. Mais est-ce qu'il avait fait suffisamment de matchs avant de partir puis de revenir? Seydouzo, très très juste. 6 points également. Comment il a fait de match sur ce tour? Seydouzo, 25 matchs, hein, par exemple. Ah putain, mais alors ça, je l'ai pas vu ça pour le coup. Il va revenir, il va. On l'a pas vu, là, les 25 matchs. Quoi. Final, Kittel contre Roulian. Kittel, vas-y, donc là, c'est la marque. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. 6 joueurs, mais des pépites. Je pense que tu les connais tous. Je suis pas sûr, mais... Le meilleur. Le plus haut, ouais. Tenter qu'on puisse parler de meilleur. Ah, 32 matchs. Oh merde, un mec de 32 matchs qu'on a oublié. Ah ouais. Et on dit... Peut-être c'est pas des matchs en entier. Hein. Été 2023. 1 de 31. Avec la coupe. 2 de 30. Ça peut être 2 saisons, ouais. 1 de 21 et 1 de 20. Donc il nous reste 2, 4, 6 joueurs. C'est perfect à 20. C'est pas Jurietti, hein, pour les monosexuels. Non, c'est pas Jurietti. Je lutte un peu sur les joueurs actuels. Bélarouche ? Bélarouche, il est pas dedans, Bélarouche. Ouais, bon. Il est pas dedans. Pour remporter ce coup, il royal. Là, la victoire de prestige. J'ai une idée, mais ça, j'en suis pas fier. Mais ouais, donc c'est été 2023. Premier match, 13 août 2023. Victoire 2-1 contre Lyon. Parce qu'il disait pas un bon joueur. J'ai dû penser, moi j'ai pensé à Delaine. Oh là là, mais ouais. Putain, on appelle ça une Costa di Nof, quoi. Avec que des entrées d'une minute. Ah, rien du tout, il les a eu les 6 du premier coup. Hein. Delaine, match. Un de tes joueurs préférés. Quelqu'un me fait 15 saisons au Racing. Mais non, mieux que ça. Ah, Oulou. Mais non, mieux que ça. Mais même poste, à peu près. Même... Belle garde. Mais non, mieux que ça. Ibrahima Sissoko. Bah, il était là la dernière saison. Bah oui, il devait être patoche. C'est vrai qu'on a déjà on avait qui d'autre? 30 matchs avec Gamero. Ah merde, Gamero, voilà, on est nul. Hein. 30 matchs, ouais. Bah bon, t'as gagné. Sébastien, 30 matchs. Sébastien. Ah oui, 30 matchs. À moi, meilleur. Putain, mais c'est l'inflation, tu me dis. C'est comme quand les Allemands achetaient leur baguette de pain avec le match de billets, quoi. Moïse Saïgnon. Oh, ah, mais lui aussi, le mec, il a fait. Putain, mais belle victoire de Roulian, on peut encore applaudir. Et magnifique quiz, ouais, genre, comme toujours. Comme alors toujours. Là, franchement, si là on n'est pas pro Bouco. Si là n'est pas pro Bouco. Ouais. Voilà, alors bah, effectivement, cette émission était un peu courte, mais nous reviendrons plus fort le mois prochain. Oui. Le mois prochain, même, j'annonce une émission sûrement spéciale Radio Stube 18 ans. L'âge de la majorité. L'âge de la majorité. On aura... Barely legal. On aura le droit. On mettra des nouveaux hashtags. Donc, on aura le droit de dire des gros mots. Ah oui, parfait. Ah, bon. Mais en attendant, allez Racing, vive Marc Keller. Merci. S'il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.